Le magasin des suicides de Maurice Rollina, enregistré pour LibriVox.org. Le magasin des suicides. Nous avons l'arme à feu, le rasoir très coupant, la foudre à bon marché, l'asphyxiant chimique, et on a, je vous jure, une étrange mimique quand on s'est mis au cou cette corde qui pend. Les poisons de la fleur, de l'herbe et du serpent, le curare indien, la mouche anatomique, le perfide nectar au suc de noix vomique qui fait qu'on se tortille et qu'on meurt en rampant. Tous ces engins de mort et d'autres que je passe, nous les garantissons. Mais, dit-il à voix basse, bien qu'il soit aujourd'hui d'un emploi consacré, il en est encore un, le meilleur et le pire, que vous enseigneront pour un prix modéré, Mademoiselle Pieuvre et Madame Vampire. Fin du poème. Enregistré par Isad, quelque part en France, en 2022. Cet enregistrement fait partie du domaine public.